Chapitre 62. L'altruisme et le réconfort. Allah Ta'ala dit: et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Sourate 59, verset 9. Et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Sourate 76, verset 8. 564. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, un homme se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, en se plaignant de sa misère et de sa faim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya chercher de la nourriture chez l'une de ses épouses, mais elle jura qu'il ne lui restait que de l'eau. Puis il envoya chercher de la nourriture chez le reste de ses épouses, les unes après les autres, mais toutes répondirent la même chose: par celui qui t'a envoyé avec le message de vérité, je n'ai que de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors: qui peut offrir l'hospitalité à cet homme cette nuit? Un Ansar se proposa et l'emmena chez lui. Il dit à sa femme: fais honneur à l'hôte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, l'Ansar demanda à sa femme: as-tu quelque chose à manger? Elle répondit: non, si ce n'est le repas des enfants. Il dit: donne-leur quelque amusement pour les distraire et s'ils veulent manger, fais-les dormir. Puis lorsque notre invité entrera, éteins la lampe et faisons semblant de manger avec lui. C'est ainsi qu'ils s'assirent avec leur invité sans toucher au repas et s'endormirent le ventre vide. Le lendemain, l'Ansar se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui dit: Allah s'est émerveillé de la manière dont vous avez accueilli votre invité cette nuit. Al-Bukhari et Muslim. 565. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: la nourriture de deux personnes suffit à trois, et celle de trois à quatre. Al-Bukhari et Muslim. D'après une autre version de Muslim, Jabir, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la nourriture d'une personne est suffisante pour deux. Celle de deux suffit à quatre personnes, et celle de quatre à huit personnes. 566. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, rapporte: alors que nous étions en voyage avec le prophète, alayhi salatu wassalam, un homme vint sur sa monture et commença à regarder à droite et à gauche. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit alors: que celui qui a plus d'une monture mette ce dont il ne se sert pas à la disposition de celui qui n'en a pas, et que celui qui a un excédent de provision en donne à celui qui n'a rien. Et il cita d'autres types de biens, au point que nous pensâmes qu'aucun d'entre nous n'avait droit à un quelconque excédent. Muslim. 567. D'après Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, une femme apporta un manteau tissé au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en lui disant: je l'ai tissé de mes propres mains pour toi. Le prophète, qui en avait besoin, l'accepta puis sortit en le portant à la taille. Quelqu'un s'exclama: comme il est beau, offre-le-moi. D'accord, répondit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il s'assit au milieu de nous un instant, puis retourna chez lui, plia le vêtement et le fit porter à l'homme en question. Les gens dirent à ce dernier: comme tu as mal agi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait porté car il en avait besoin, et tu le lui as demandé alors que tu sais parfaitement qu'il ne rejette aucune demande. Il dit: je jure par Allah que je ne le lui ai pas demandé pour le porter, mais pour en faire mon linceul. Sahl ajouta: et ce fut en effet son linceul. Al-Bukhari. 568. Selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque les Ash'ari, les gens de la tribu d'Abu Musa, sont à court de provisions au cours d'une expédition ou à Médine au milieu de leur famille, ils rassemblent tous leurs vivres dans un seul drap, puis les partagent entre eux de façon équitable. Ce sont les miens, et je leur appartiens. Al-Bukhari et Muslim.